Ainsi se perdait en niaiserie le plus précieux temps de mon enfance, avant qu'on eût décidé de ma destination. Après de longues délibérations, pour suivre mes dispositions naturelles, on prit enfin le parti pour lequel j'en avais le moins, et l'on me mit chez M. Masseron, greffier de la ville, pour apprendre sous lui, comme disait M. Bernard, l'utile métier de grappignan. Ce surnom me déplaisait souverainement. L'espoir de gagner force écus par une voie ignoble flattait peu mon humeur hautaine. L'occupation me paraissait ennuyeuse, insupportable. L'assiduité, l'assujettissement achevèrent de m'en rebuter, et je n'entrais jamais au greffe qu'avec une horreur qui croissait de jour en jour. M. Masseron, de son côté, peu content de moi, me traitait avec mépris, me reprochant sans cesse mon engourdissement, ma bêtise, me répétant tous les jours que mon oncle l'avait assuré que je savais, tandis que dans le vrai, je ne savais rien, qu'il y avait promis un joli garçon, et qu'il ne lui avait donné qu'un âne. Enfin, je fus renvoyé du greffe ignominieusement pour mon ineptie, et il fut prononcé par les clercs de M. Masseron que je n'étais bon qu'à mener la lime.